te prends pour un dur avec ces connards. C'est ça? Non, mais après ce qui s'est passé dans le bar, j'ai cru... Qu'est-ce que t'as cru? Tu crois qu'une arme fait de toi un dur? Laisse-moi te dire une bonne chose. Il y a beaucoup de types qui ont un flingue et qui mouillent leur caleçon. Quand l'autre a un revolver et qui te le met sous le nez, on se rend compte qui est le vrai dur. C'est qui là? C'est qui frappe? C'est nous. Les gardes à vue, les problèmes. C'est nous. Ceux écoutés par les grosses peines. C'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Pain. C'est nous. Dans tous les ghettos de France, l'avenir, c'est nous. N-I-R-O, la crime, crime, c'est nous. Ray, on joue pas trop les gangsters. Chez nous, l'avenir de ce putain de rap gang, c'est nous. T'es pas gangster, à mon âme je m'accroche. Fenêtre personnelle CZ automatique dans la sacoche. Allez pas c'est des bites, tu te feras peut-être un nom. Je suis gravé dans les chiffres, j'ai pas la tête à faire la fête à Londres. Je représente la rue et puis je suis venu pour tout gain. Oui, quartier rouge, Marbella, Bruxelles, Phuket. Je connais les fausses amis et puis j'ai connu toutes les fins. T'inquiète pas, on sait ce que c'est compter 100 millions billets de vin. La nuit des fois ça fait bang bang, les frères te diront gros. Et sa mère t'y t'aime, la crime et l'iron. Tous amoureux des grosses peines parce qu'ici tout va trop vite. Grosse caisse, gros flingue, grosse liasse, gros film. Oui, je sais tout sur le profit, j'ai le même âge que ton papa. Dans la tête, les jambes pas dans le bar, pas le papa. Faire le fou, on sait de quoi t'es capable. La rue, c'est nous. Et de la rapée, ça ne touche pas, pas. C'est qui l'avenir du rap game? C'est nous. Les gardes à vue, les problèmes, c'est nous. Ceux écoutés par les grosses peines, c'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Pain, c'est nous. Dans tous les ghettos de France, l'avenir, c'est nous. N-I-R-O, la crime, c'est nous. Ray, ne joue pas trop les gangsters, c'est nous. L'avenir de ce putain de rap game, c'est nous. Les fous s'érobent dans les fous rentrent, la mitié se part en courant. Y'a qu'un doigt entre un coup de main et une main courante. Vu la haine qui sort de moi, à force de voir ces fils de pute. Voilà des fois gros j'ai peur de moi. J'ai fait le tour des sahlins, mais pas beaucoup. Y'a des choses qui sont aux yeux, y'en a d'autres qui sont au bout. Trop tard pour crier au secours. Du mal on en fait trop cousse. Mes crayons ont pris des longues peines. Tous à la vie est trop court. C'est pas des blagues poto. La rue pour de près, on squatte pas trop les bars poto. Le ghetto nous suit près. L'avenir c'est nous voir ces salopes qui parlent de calibre. C'est louche, ça fait bang bang. L.I.R. on la crime, faut s'écarter des grosses balles train. Qui sont pas nos cicatrices, haute criminalité. Inch'Allah miraculé, jamais à égalité. Allez plus vous faire enculer. L.I.R. on est du rap gang, c'est nous. Les gardes à vue, les problèmes, c'est nous. Ceux écoutés par les grosses peines, c'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Bang, c'est nous. Dans tous les ghettos de France, l'avenir, c'est nous. N-I-R-O, la crime, c'est nous. Ray, on joue pas trop les gangsters, c'est nous. L'avenir de ce putain de rap game, c'est nous. Celui trop loin pour faire la bise à 16 ans, parfait mon vieux. Ils ont essayé de rivaliser, ils ont pas fait long feu. Jouge nos portes et pas du, on fait notre bif comme on veut. Même si demain j'arrête le rap, j'aurais déjà fait mon spell. Respecte nos gars, on respectera les tiens enfoirés. Nous c'est la rue, pas ton cinéma, t'as les fins de soirée. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur la drogue, la garde des banques? J'connais des gros qu'on fait des fourgons avant d'aller faire des banques. Ah, faire des banques, vendre du shit, avoir des armes pour faire manger la meute, il faut faire du chiffre. Perdre du chiffre dans tes max crier. À peine j'arrive dans le game, salope, se met à crier. La crime, Niro, 9-4-4-1. Poids lourd, 4-4, bande 4-1. Venu pour les blessés, mais je vous baisse, c'est pareil. Je suis né dans la rue, je l'aime, mais je me ferai buter. C'est pareil. L'avenir du rap gang, c'est nous. Les gardes à vue, les problèmes, c'est nous. Ceux écoutés par les grosses peines, c'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Pain, c'est nous. Dans tous les ghettos de France, l'avenir, c'est nous. N-I-R-O, la crime, c'est nous. Ray, on joue pas trop les gangsters, c'est nous. L'avenir de ce putain de rap gang, c'est nous. Pourquoi c'est tu parles à t'il peut Vista pute. Quand ça tire t'es sauf qui peut Vista pute. Personne veut se mouiller quand il pleut Vista pute. Numéro uno disciple Vista pute. La crime N-I-R-O Vista pute. J'ai pas gardé nos numéros Vista pute. T'es tout plein d'à ce qui paraît Vista pute. Cherche pas à nous comparer Vista pute. C'est qui l'avenir du rap gang, c'est nous. Les gardes à vue, les problèmes, c'est nous. Ceux écoutés par les grosses peines, c'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Pain, c'est nous. Dans tous les ghettos de France, l'avenir, c'est nous. N-I-R-O, la crime, c'est nous. Ray, on joue pas trop les gangsters, chez nous. L'avenir de ce putain de rap game, c'est nous.